Oui. Ma A. T'es français alors? C'est quoi ton clavier? Start one. Comment ça? Merde, j'ai raté. Ah mais elle est pas synchro ma batterie. Ah d'accord, elle est pas synchronisé ma batterie. J'y arrive pas, ça bug. Je suis pas synchro. Thank you. Oh, ça m'agace. Je suis désolé, j'arrive pas, putain. C'est pas carré, quoi. Je vais changer de rythme pour... C'est bon, hein? Entier. Ça fait pas. Hein. Yes. I'm sorry. Let's go. Thank you. disco. Disco des années 80. Ça marche pas. I'm sorry. I must stop. I must stop. I drink my beer. Thank you. Oui, je vais manger. Translate. I'm going to eat dinner. Okay. Bye bye. Good night. Bye. Yes, dinner. Miam, miam. Bonne soirée.